Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89,1 et nous allons terminer l'émission avec un sujet qui peut paraître curieux dans une émission de culture scientifique, le rire. Il y a de quoi, en fait, rire à parler science. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a de la science dans le rire. La réponse est oui. Et c'est avec notre chroniqueuse Christiane Dupont que nous allons découvrir l'aspect scientifique du rire. Bonjour Christiane. Bonjour François. Alors voilà, comme tu disais, le rire, ça peut avoir l'air... Bon, pourquoi parler du rire? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans le rire? Mais le rire, la phrase de rire, c'est sérieux, c'est vrai. Parce que le rire, à proprement dit, est unique à l'humain et inné à la naissance. Alors, le vrai rire, oui, il y a des grands primates qui peuvent faire des expressions faciales qui ressemblent au rire. Uh-huh. Alors, on soupçonne que ça existe, mais bon. Il y a même aussi les hyènes, en fait, qui ont une espèce de petit cri qui est très semblable au rire. Oui, il y a des petits cris, mais le rire, là, comme on le définit, c'est les humains. C'est les humains. On n'apprend pas à rire, c'est inné. Donc, c'est pas, c'est vraiment quelque chose de nécessaire à la survie. C'est vraiment inné. On apprend pas. Ça veut dire que c'est dans nos gènes, à ce moment-là. Oui, c'est dans nos gènes, dans notre cerveau reptilien. Il faut faire aussi une distinction entre le rire et l'humour, ce qu'on va traiter aujourd'hui. OK. Et quelle distinction ferais-tu entre les deux? L'humour, c'est l'humour, ça, c'est culturel, par exemple. C'est pas inné. Ce qui nous fait rire, ça dépend de la culture et tout ça. Et on va aborder ça dans la prochaine, dans la chronique présente. Mm-hmm. Donc, la différence, le rire, c'est une réponse physiologique. Donc, c'est le corps qui réagit physiquement à quelque chose, à l'humour, qui est à son rôle, que l'on apprend. Donc, le rire, on définit ça en deux parties. Donc, il y a une gestuelle et il y a des sons. Oui. Qui agissent simultanément. Hein? Quand on rit, il y a comme des espaces musculaires, on va basculer la tête, ouvrir la bouche, et en même temps, il y a des sons qui sortent spécifiques au rire. Tout le monde connaît ça. Oui. Pendant le rire, il y a 15 muscles faciaux qui vont se contracter. C'est quand même beaucoup du visage qui se contracte. Et en même temps, l'épiglotte. L'épiglotte, c'est le petit bout de chair qui joue le rôle d'aiguillonner la nourriture dans l'œsophage et de bloquer la trachée pour pas qu'il y ait d'air en même temps. Ce qui fait que lorsqu'on avale, on ne peut pas respirer. Exactement. Et donc, c'est important. Mais quand on rit, l'épiglotte se ferme à moitié le larynx, pas complètement. Donc, conséquemment, l'air entre irrégulièrement dans les poumons et nous fait hoqueter. Hein. Souvent, on manque de souffle. Ben, c'est pour ça qu'on rit aussi, j'imagine, de façon saccadée. Oui. Non, en continu, on rit ha ha ha et non ha. C'est ça, parce qu'on ha ha ha. C'est des hoquetements qu'on fait. Donc, on ne peut rien y faire. Hein. Et puis, on peut toujours penser faire ha. Mais c'est moins naturel. Hein. Je ne sais pas quel effet ça donnerait. Et puis, dans les crises intenses de fou rire qu'on a tous déjà connues, là, vraiment, il y a les larmes qui entrent en ligne de compte. On pleure. Là, on n'a plus d'air. Les gens peuvent devenir rouges, devenir mauves et faire des sons encore plus bizarres. Là, quand on manque d'air. Ou des gens qui aspirent aussi des fois. Oui, il y a toutes sortes de bruits. Des gens qui ont des rires très drôles aussi. Oui, il y en a des gens particuliers. Puis on ne peut pas contrôler ça. Hein. On ne peut rien faire. C'est la façon dont notre larynx. Il y a des gens aussi qui manquent d'air aussi à un moment donné. Exactement. Là. Bon. Alors, il existe des spécialistes de l'étude du rire. Oui. C'est vraiment sérieux. C'est très sérieux. C'est scientifique. Ça s'appelle la gélotologie. Ah, je ne sais pas qui a déjà entendu ce mot-là avant. Pas beaucoup. Ça m'en ferait rire quelques-uns. Oui, je pense que oui, c'est la gélotologie. D'ailleurs, il y a un des grands, des éminents pionniers dans la recherche du rire, c'est Robert Provine, un neurobiologiste comportemental d'une université au Maryland, qui étudie ça depuis très longtemps, étudie le rire, autant l'aspect social que l'aspect neurobiologique dans le cerveau. Okay. Et lui définit le rire comme étant des notes, des voyelles répétées à chaque 210 millisecondes. Alors là, c'est sa définition, plus ou moins. Il y a comme un rythme à ça. C'est rythmé, le rire. Et il y aurait deux grandes catégories, le type ha-ha-ha et le type ho-ho-ho. Uh-huh. Alors, on peut être un ou l'autre, mais jamais les deux en même temps. OK. Mais des fois, on voit des petits hi-hi-hi. Des petits hi-hi-hi. Je me suis posé la question aussi. Peut-être qu'ils sont dans une sous-catégorie du ha-ha-ha. Ça, je ne sais pas. Mais bon, globalement, cet éminent chercheur a classifié ça en deux types de rire. Uh-huh. Et les humains ont des détecteurs à rire qui excitent d'autres circuits. Et c'est pourquoi le rire est contagieux. Hein. On voit quelqu'un rire. On va rire. Ils utilisent aussi beaucoup ça dans les films, hein, tous les sitcoms avec des rires en canne, comme on dit. Mais c'est que ça fait déclencher le rire. Uh-huh. Et petit fait cocasse que j'ai trouvé qui est un fait réel. Dans les années 60, dans un collège de Kinshasa, qui est la capitale de la Tanzanie, si je ne m'abuse. Ça se peut, oui. Il y a eu un exemple extraordinaire d'accès de rire collectif. C'est-à-dire plus d'une centaine d'adolescents ont eu un accès de rire qui a duré pendant plusieurs jours et les symptômes persistaient. Le collège a dû fermer ses portes pendant plusieurs semaines, mais l'épidémie de rire a touché encore une autre école élémentaire, donc des jeunes, les plus jeunes. Et dans l'espace de 2 ans, une quinzaine d'écoles de la région de Kinshasa ont été touchées par une épidémie de rire. C'est difficile à imaginer. C'est quand très même, difficile à imaginer. Dans bon. deux jours de temps, alors que c'est contagieux, ça peut peut-être s'auto-alimenter. Ouais, là, je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre ou bon, mais j'ai vu ça à quelques endroits. Là. Donc, on n'a pas trouvé d'explication. Ouais, ils ont dit que c'était un épisode exceptionnel qui était d'origine psychologique et hystérique. Donc, là, peut-être que rire était un mot large pour englober une genre d'hystérie collective. Uh-huh. Mais, bon, ça, c'est un cas très extrême, mais le rire est vraiment contagieux parce que c'est une manière. De communiquer en société. Oui, c'est un fait. Ouais. Mais écoute, comme on le disait tout à l'heure, étant donné que c'est inné, donc programmé dans les gènes, ça doit servir à quelque chose. Exactement. Bon, ben, le rire servirait de lubrifiant social, comme plusieurs chercheurs le suggèrent. Donc, vraiment, l'expression lubrifiant social, ça sert à renforcer les liens sociaux, littéralement. Je trouve que l'expression parle bien, en fait. C'est une manière de... Ça peut exprimer beaucoup de choses. Par exemple, le rire arrive quand bon, les gens sont à l'aise, sont ouverts, sont libres, sont en confiance. Hein? Souvent, on se regarde puis on rit. Il y a un lien qui se crée. L'autre personne, on ne la voit pas très menaçante quand c'est un rire de bon cœur, évidemment. C'est plus facile d'aborder une personne quand elle est souriante ou riante. Oui. Plus il y a de rire et plus les liens sont serrés aussi. Un grand éclat de rire, ça va renforcer les liens entre deux personnes. C'est vraiment un signe social, d'où la contagion, d'où bon, voilà. Et il y a des études qui ont prouvé que les individus dominants, donc les chefs, les patriarches, même dans les entreprises, dans les tribus, vont rire plus que les autres. Okay. Donc, les individus dominants dans une société vont rire plus que les autres parce qu'ils ont, en guillemets, un pouvoir de contrôle. Si eux démarrent le rire, ils l'entraînent dans leur groupe et acquièrent du pouvoir de cette manière-là. Donc, c'est une manière d'avoir du contrôle. Puis forcément aussi, ça donne plus de charisme. Exactement. Donc, c'est tout à leur honneur de continuer à rire et à faire rire. Donc, si c'est une science, en fait, des chercheurs étudient le cerveau aussi. Là. Oui. Il y a déjà eu des études qui ont été faites. On prend des sujets, on les présente à des situations drôles. On branche un encéphalogramme, vous savez, des petites ventouses qu'on met sur le cerveau. Littéralement. Des électrodes, en fait. Des électrodes. On mesure l'activité électrique exactement. Donc, cerveau, c'est ça. On peut l'examiner pendant que quelqu'un rit. Et on découvre plein de choses intéressantes. Dont tu vas nous faire part, j'imagine. Oui. Par exemple, sur le cortex gauche, c'est-à-dire le cortex, c'est littéralement la matière grise qui est sur le dessus de notre cerveau. Le cortex gauche, pendant que, mettons, je te raconte une blague. Donc, ton cortex gauche va analyser les mots et la structure de la blague. Okay. C'est la partie cortex gauche. Le lobe frontal, à l'avant, c'est beaucoup le siège des émotions. Donc, c'est cette partie-là qui va assimiler les émotions. Le cortex droit, c'est l'analyse intellectuelle pour comprendre la blague. Voir, il y a quand même un élément de compréhension dans une blague qui est important. Ben oui. Et puis... C'est normalement ce qui déclenche le rire. Exactement. Et puis, la vague, entre guillemets, électrique dans le cerveau va ensuite descendre dans le lobe occipital qui est à l'arrière dans la nuque pour analyser les signes visuels et les signaux moteurs. Donc, ça fait vraiment une vague qui part de l'avant du cerveau qui va vers l'arrière. Donc, c'est quand même très intéressant de voir ça. Et enfoui dans le cerveau, ils ont ce qu'on appelle le système limbique, très instinctif, là, le cerveau de base là, qui réagit la faim, la peur, la fuite. Eh bien, il y a un petit organe qu'on appelle l'hypothalamus, qui a été également identifié pour le rire incontrôlable. Vous savez, quand on a un accès de rire où on s'en peut plus, là, on va dire des quintes de rire. Des quintes de rire. Donc, il y a aussi d'autres petits organes. Il y a le thalamus, l'amygdale, qui ont été également... ils ont trouvé des rôles pour le rire. En fait, qu'est-ce qui déclenche le rire, en fait? Bien, justement, là, on pourrait en parler pendant très longtemps parce que, bon, il y a différents types de rire. Hein. On peut avoir le rire jaune. Ça, on rentre plus ou moins ça dans cette catégorie d'un vrai rire parce que c'est très forcé. Oui, c'est un fait. Donc, il y aurait trois grandes catégories de situations qui feraient qu'on rit. en guillemets. Là, je ne parle pas de l'humour culturel, parce que... C'est ça. N'importe qui est allé faire dans un autre pays puis essaie de faire une blague, il se rend compte que ça ne marche pas tout le temps. Ça, c'est un fait. Ou quelqu'un raconte une blague. Moi, par exemple, je suis déjà allée en voyage en Amérique du Sud puis je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout le même genre d'humour. Hein? Fait que bon. Alors, il y aurait trois situations globales. Oui. Il y aurait l'incongruité. C'est-à-dire une situation qui n'est pas logique, qui n'est pas familière, qui est imprévue. Par exemple... On va anticiper, par exemple, je raconte une blague. Hein? Au début, on est là, oui, OK, on met une situation et on anticipe une fin. De cette anticipation-là, on a des émotions. OK. Mais, oup, il y a un punch, en guillemets, qui nous surprend. Et en fait, il y a deux patrons d'émotions, deux ensembles d'émotions qui se trouvent à être confrontés. Et puis, ça déclenche le rire. C'est vraiment la contradiction entre deux émotions différentes qui nous font rire. Souvent, puis j'imagine que la fin, souvent, n'est pas attendue. C'est ça, c'est l'effet de surprise. L'effet de surprise et l'effet d'incongruité qu'on comprend. Et puis, ça déclenche le rire. Oui, tout à fait. Il y a aussi une autre situation, la situation de supériorité. Ça, c'est un peu moins... évident, oui. Moins évident, mais bon, quelqu'un fait une erreur. Ouais. La stupidité. les drôles de vidéos à la télé, là, les gens qui tombent, puis qui, bon, hein, ça nous fait tous rire, hein, malheureusement. Quelqu'un qui tombe, dehors, ben, ouais, on rit. Comme un réflexe. On a un réflexe de rire. Même si c'est pas drôle pour la personne. C'est pas drôle, à moins bon qu'elle soit ensanglantée. Là. Ouais. La malchance. Et puis quand on rit, c'est que ça indique un certain détachement par rapport à la situation. Ouais. Parce que si on était vraiment dedans, on rirait pas. C'est ça. Mais c'est qu'on est suffisamment détaché pour pouvoir se permettre de rire de ça. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est un autre. Également, le troisième point. Le soulagement. C'est ce que le rire, ça libère les tensions, ça libère le stress. Donc, dans les films, hein, on utilise beaucoup cette technique-là dans les films d'action. Il y a une tension qui monte beaucoup, puis souvent, il y a une petite blague, il y a un petit quelque chose qui va... Pour détendre... Souvent, les super-héros vont dire un petit quelque chose pour faire tomber un cran la tension. Donc, ça, c'est voulu, effectivement. Oui, c'est voulu, et puis dans plein de situations, ou un état de choc, là, également très fort, un choc émotionnel, ça peut faire rire. On peut apprendre le décès de quelqu'un à quelqu'un, puis... Moi, j'ai déjà vu ça, effectivement. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est aussi c'est un autre cycle. Le cerveau, on dirait, il ne sait pas comment réagir et ça sort en rire. Pour conclure le docteur Provine, dont j'ai parlé, le pionnier du rire. Celui qui est dans Maryland, là. Oui, qui est dans Maryland, bon. Également, dans ses études, a souligné que les femmes rient plus souvent dans les conversations que les hommes, globalement. Même si la conversation n'est pas plus drôle. OK. Pour une conversation égale? Égale. Là, tu sais, ils ont fait beaucoup d'études. Ils écoutaient dans les trottoirs, puis ils écoutaient les chats. OK. Donc, les femmes seraient plus susceptibles au rire. Plus susceptibles parce que les femmes seraient plus sensibles aux interactions sociales. Okay. Et les interactions sociales, le rire est vraiment un rôle de un lubrifiant important. Donc, ça serait un trait particulier des femmes. Également, une autre étude norvégienne a indiqué que le rire est directement lié à la longévité. Donc, les gens qui ont un bon sens de l'humour vivent plus vieux. Alors, c'est très intéressant. Oui, alors c'est une bonne raison de rire et d'essayer de voir la vie de mon côté. Alors, il ne faut pas se gêner pour rire, Christiane. Alors, merci pour nous avoir fait découvrir cet aspect inusité. Ça fait plaisir.